Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ceci est donc la traduction vocale du 12e cours de la série de l'explication des sagesses d'Ibn Ata'illah al-Sakandari par Cheikh al-Bouti rahimahullah. Dans ce cours, Cheikh al-Bouti va aborder un sujet crucial pour l'ensemble des musulmans. Il s'agit de l'invocation, ad-du'a, et de la réponse d'Allah à l'invocation. Et ce développement va bien sûr s'inscrire dans le cadre de l'explication de la sixième sagesse d'Ibn Ata'illah al-Sakandari, sagesse qui avait été présentée au cours précédent. Sans plus attendre, je vous laisse donc découvrir le cours numéro 12. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa afdalu salati wa atamu taslimi ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Louange à Allah, Seigneur des mondes. La meilleure prière et la meilleure salutations sur notre maître Muhammad ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Allahumma akhrijna min dhulumati al-wahm wa akrimna bi nuri al-fahm wa aftah alayna bi ma'rifati al-ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm wa ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ô Allah, sors-nous de l'obscurité de l'illusion, ennoblis-nous par la lumière de la compréhension, ouvre à nous la guidée par la connaissance de la science. Adoucis nos mœurs par l'indulgence et la patience, et permets-nous d'être de ceux qui, entendant les paroles, suivent les meilleurs. Un questionneur demande : pourrais-tu nous clarifier ce que veut dire le fait qu'un homme pratique, qu'un homme vive son esclavage vis-à-vis d'Allah par choix ? Je pense que ce propos est clair. Je suis un esclave d'Allah par nature, par création, par contrainte. C'est-à-dire que moi, je suis faible, je ne possède rien de ma propre affaire. Je suis ordonné, je suis assujetti au pouvoir, à la décision d'Allah, pureté et toute puissance à lui. Je passe de l'enfance à l'adolescence, puis à l'âge mûr, puis à la vieillesse. Est-ce que je peux changer cette organisation ? Puis la mort me reçoit. Est-ce que je peux lui échapper ? Je suis sujet à des maladies. Est-ce que je peux éviter cela ? Je suis soumis à des lois naturelles qui se rapportent à ma nourriture, à ma boisson, à mon sommeil, à mon réveil. Je suis ordonné comme cela. Cela m'est imposé. J'y suis assujetti. Donc moi, je suis esclave par une réalité de contrainte. Il faut que mon comportement aussi soit en harmonie avec cette réalité de contrainte et qu'il y soit conforme. Moi, par cette réalité contraignante, je suis l'esclave de ce Dieu qui m'a créé. Je ne dois donc pas me rebeller contre lui. Il m'ordonne, j'obéis. Il m'interdit quelque chose, je me l'interdis. Il me conseille, je prends son conseil. Oui, c'est cela le sens de notre propos disant « Je suis l'esclave d'Allah par une réalité de contrainte et il faut donc aussi que je sois son esclave par mon comportement, comportement qui est mon choix. J'exécute ses ordres. » Une fois, j'avais évoqué un exemple. J'avais dit « Moi, je suis un nain. » Un nain. Le nain, on sait ce que c'est. Par ma création, Allah a fait de moi un nain. Lorsque je m'habille, est-ce que je mets les habits des géants ou est-ce que je mets les habits des nains ? Je mets les habits des nains. Mon comportement doit être en harmonie, en accord avec ma réalité. Donc toi, jette un œil sur toi-même. Tu es libre ? Rebelle-toi donc contre Allah comme tu le veux. Non ? Tu es plutôt en la possession d'Allah le Tout-Puissant. Que ton comportement soit donc en accord, en harmonie avec cela. Oui. Un autre questionneur dit : est-ce que l'établissement de stratégies futures, la tentative de s'imaginer les éventualités, le fait de construire dessus, et à partir de cela le fait de prendre les précautions, les dispositions nécessaires, est-ce que tout cela est considéré comme une interaction avec les causes, al-asbab, ou comme de la planification, al-tadbir ? Ou est-ce un mélange des deux ? Et y a-t-il en cela une différence entre l'individu et le groupe ? Mon frère demandeur, si tu avais fait attention à ce que j'ai dit la semaine dernière, tu connaîtrais la réponse. J'ai dit que la planification prenait place où ? Dans le cœur et dans l'intention. Pratiquer les causes, c'est l'action. Pratique les causes par ta manière d'agir. Prends tes précautions, tes dispositions, sors au marché, établis des stratégies, exécute-les. Tout cela, je ne dis même pas que c'est permis, je dis que c'est demandé. Qu'est-ce que la planification, at-tadbir ? La planification est le fait que tu crois que par ce que tu as fait, c'est toi qui t'es garanti la réussite, que c'est toi qui te serais garanti le bonheur, et que si tu n'avais pas fait cela, tes espoirs ne se seraient pas réalisés. Cette croyance s'appelle at-tadbir, planification, et c'est cela qui est interdit. Ne te planifie aucune affaire. Nous sommes plus prioritaires que toi sur toi-même. Petite note de traduction, nous ici, bien sûr, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la planification n'est pas un comportement extérieur. La planification est le fait que lorsque l'homme pratique les causes, qui sont un devoir dans la plupart des cas, il pense être lui-même celui qui produit, qui a produit les fruits des causes qu'il a pratiquées, et que c'est lui qui s'est fait parvenir à leurs résultats. Qu'Allah nous en garde, cette croyance est dangereuse. Donc, la pratique des causes est demandée. La planification, c'est de croire que c'est toi qui planifies pour toi-même ta propre affaire. Une autre question qui, il est vrai, n'a pas de rapport avec le cours, mais qui fait partie de ce qui peut venir à l'esprit de tout le monde. Cette question dit « Nous devons faire la prière de l'Estesra, la prière de la demande de la pluie, dans cette mosquée. » Mon frère, veux-tu que nous inventions une prière de demande de la pluie autre que celle que nous a donnée la législation d'Allah et que nous a apprise le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ou veux-tu que nous prenions, pour exemple, le messager d'Allah dans ce qu'il nous a appris ? Tu vas certainement dire, oui, nous voulons prendre exemple sur le messager d'Allah. La prière de l'Estesra, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a apprise, est la suivante. Que le gérant des affaires des musulmans, que le chef des musulmans, appelle tous les gens, rassemblés à l'endroit où la pluie ne tombe plus, à tous se repentir d'abord, à rendre les biens injustement pris à ceux à qui ils reviennent de droit. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, à jeûner 4 jours, et à sortir le 4e jour, alors qu'ils jeûnent, dans un endroit vaste, assez large pour contenir tout le monde, les hommes, les femmes, les personnes âgées et les enfants, et qu'ils conduisent avec eux leur bétail, leur monture aussi. Un endroit vaste, vaste. Et là-bas, on établit la prière de l'Estesra. Après ce préambule. Aujourd'hui, wallahi, la prière de l'Estesra a été établie dans telle mosquée. Elle a aussi été établie dans telle autre mosquée. Ça, c'est l'invention. Ça, c'est l'innovation d'une chose différente de ce que nous a appris le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, ces frères qui ont voulu prier la prière de l'Estesra. Cela, peut-être qu'Allah nous donnera par leur cause. Il se peut qu'ils rivalisent de bien, que chacun d'entre eux soit meilleur que l'autre. Le problème de l'arrêt de la pluie ne se trouve pas dans cette assemblée que nous voyons devant nous. Le problème est chez d'autres gens, outranciers envers eux-mêmes, qui ne se sont pas encore réveillés de leur hibernation. Le persistant dans l'injustice persiste dans l'injustice. Le persistant dans la prise d'argent haram persiste dans la prise d'argent haram. Le persistant dans les péchés, quelles que soient leur forme et leur couleur, persiste dans les péchés. Et celui qui, lorsqu'on lui rappelle Allah, se moque, et ainsi de suite, ceux-là sont ceux à qui il est demandé de délaisser. De délaisser ce qu'ils font et de revenir à Allah. Et de retrouver leurs frères en invocation et en pleurs, en implorant, après le repentir vis-à-vis d'Allah. Lorsque tout ceci se réalisera, regarde comment Allah le Tout-Puissant répondra et comment il dira à ses esclaves « Que vous soyez exaucés » et comment les pluies tomberont du ciel. Mais dans les faits, ils ont prié la prière de l'Estesra dans telle mosquée, telle autre mosquée. Est-ce cela la sunna ? Non, pas du tout. Mon père, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, dans des temps comme celui-ci, même si en réalité de tels temps ne se sont pas produits du tout. Je ne me rappelle pas de toute ma vie avoir vu l'été poursuivre l'hiver jusque dans ses profondeurs les plus recluses comme cette année-ci, pas du tout. Lorsque des crises du coup moins graves que celles-ci se produisaient et que des gens disaient « Prions la prière de l'Estesra à la mosquée », mon père se soulevait alors de colère et il disait « Est-ce cela le problème ? Où est la sortie vers la périphérie de la contrée ? Où est le fait de sortir les montures et le bétail ? Où est le regroupement dans un seul endroit de toutes les factions, de tous les groupes, à tous les niveaux, de toutes les couches sociales ?» Et il ne répondait pas à cet appel de faire la prière de l'Estesra dans les mosquées, d'une manière ou d'une autre, parce que la prière de l'Estesra ne se fait pas ainsi. Et maintenant, nous commençons notre nouveau cours. Oui, ce cours est le cours numéro 12. Ibn Ata'illah, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, dit « La yakun ta'akhuru amadil ata'a » مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك فهو ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك وفي الوقت الذي في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. Que la longue attente avant le don, malgré ton insistance dans l'invocation, ne te mène pas au désespoir. En effet, il t'a garanti la réponse dans ce qu'il choisit pour toi et non pas dans ce que tu choisis pour toi-même. Et au moment qu'il veut lui, pas au moment que tu veux toi. Que la longue attente avant le don, malgré ton insistance dans l'invocation, ne te mène pas au désespoir. Cette réalité est fréquente et très répandue. Un homme invoque et insiste dans l'invocation, puis il attend que son invocation soit exaucée. Les jours passent, et peut-être même les semaines, sans que son invocation ne soit exaucée. Il dit alors « J'ai invoqué et je n'ai pas été exaucé ». Et il tombe dans le désespoir. Ce positionnement est un positionnement faux. C'est même un positionnement dangereux contre lequel Ibn Ata'illah, qu'Allah le Très-Haut lui accorde sa miséricorde, met en garde. Il dit que la longue attente avant le don, malgré ton insistance dans l'invocation, ne te mène pas au désespoir. « La yakun ta'akhuru amadil ata'a ma'al ilhahi fid du'a mujiban liya'sik » Puis il en évoque la cause, et nous, nous expliquons cette parole. En premier lieu, et avant tout, il faut que tu saches ce qu'est le doa, l'invocation. En effet, je demande beaucoup, et je peux confondre mes demandes en tout genre avec doa, l'invocation, à laquelle Allah, pureté et toute puissance à lui, s'est promis de répondre. Pour que la demande soit appelée doa, invocation, pour qu'elle soit appelée invocation, elle doit se plier à deux conditions fondamentales. La première condition est l'éveil du cœur, et l'éveil des sentiments, et l'orientation du cœur vers le destinataire, Allah, pureté et toute puissance à lui. Le cœur devant se montrer brisé. Cette sensation est la condition fondamentale pour que cette demande que je formule, que je présente, puisse être appelée doa, invocation. Dès lors, si le cœur n'est pas présent, si les sensations ne sont pas imprégnées de concentration et de crainte, et que la tristesse n'est pas présente, et que je lève les mains d'un geste mécanique, alors que je connais par cœur des formulations, des exemples de doa, que je répète comme cela, tel l'enfant qui répète la leçon qu'il a apprise, cette opération ne s'appelle pas doa, invocation. Elle ne s'appelle pas doa, de quelque manière que ce soit. Ne t'attends donc pas à ce qu'Allah te réponde, car tu n'as pas invoqué. Imagine qu'après avoir appris par cœur des exemples types de doa, que je me mette à les réciter de manière incantatoire, formule après formule, m'adressant à Allah par leur biais. Mais que je sois occupé par autre chose. Mon esprit s'en est allé vers une affaire, des affaires de la vie. Mon cœur ne ressent pas ce que je dis. Mon cœur ne ressent pas ce que dit ma langue et n'est pas concentré de quelque manière que ce soit. Mais j'ai appris des paroles et je les répète. Puis-je, dans cette situation, être considéré comme quelqu'un qui invoque? Peut-on dire de cette situation que c'est une situation de doa, d'invocation? Non, ce n'est pas une invocation. Ce n'est pas un doa, de quelque manière que ce soit. Oublie un instant l'invocation qu'adresse l'esclave à son seigneur. Lorsque quelqu'un se tient devant son président, devant son père, devant un homme âgé, pour lui demander quelque chose, mais que son esprit est ailleurs, que son esprit est occupé, et que son cœur n'est pas orienté vers cet homme à qui il parle. Mais comme je vous l'ai dit, comme l'élève qui a appris une leçon, un devoir, il se met à réciter ses paroles aux oreilles de son père ou de son président. Et le président le regarde et remarque, de par les yeux perdus de son interlocuteur, que ses pensées ne sont pas là et que son cœur est allé vers d'autres affaires et qu'il a l'esprit occupé par des problèmes secondaires. Tout ce qu'il y a, c'est la langue qui répète. Est-ce que ce président, ce responsable, va répondre favorablement à cette demande? Il le néglige, parce qu'à la base, cet homme n'a pas demandé. S'il avait demandé, sa demande aurait été dirigée par son cœur. Elle aurait été dirigée par ses sentiments. Quand ce président, ou ce père, ou cet homme âgé voit ça, va-t-il répondre favorablement? Quand ce président, ou ce père, ou cet homme âgé répond-il favorablement? Lorsqu'il voit que les sentiments de son interlocuteur précèdent sa langue, et que la brisure de cet homme, sa douleur, et sa cohérence avec ses propos précède aussi sa langue. À ce moment-là, il est touché. Par contre, si je trouve mon fils devant moi et qu'il me dit « Pour l'école, j'ai besoin de ceci, et ceci, et ceci, et cela », alors qu'au même moment, il suit du regard les garçons qui jouent dans la rue, et que ses pensées sont ailleurs, avec une nourriture devant lui, là, ou là, ou là-bas, lui, je ne peux pas lui répondre favorablement, parce que ceci est un manque de respect, de politesse, et qu'ensuite, il n'a rien demandé, n'est-ce pas ? Reviens donc maintenant à la position de l'esclave vis-à-vis du Seigneur. Lorsque j'ouvre les paumes de mes mains en ayant appris une invocation que m'auraient enseigné des chers, par exemple, que je dis « Allahumma, oh Allah, ceci, ceci, ceci, cela » et que je récite ainsi, je lis pour ensuite finir avec « Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur des mondes » et que mon esprit dans cette situation était parti vers des affaires, vers des choses de ma vie d'ici-bas, vers la soirée à laquelle je compte assister, vers le commerce, vers l'accord commercial que je compte gagner, de telle manière, et ainsi de suite. Qui a dit que cela était un doa, une invocation? Cela n'est pas une invocation. Et ne dis pas donc « j'ai invoqué » sans réponse, parce que ceci n'est pas un doa. Voilà la première condition. La seconde condition est le fait de te repentir des désobéissances qui sont entre toi et Allah. C'est la seconde condition pour que cette demande soit appelée doa. Imaginez donc les frères, et là aussi nous délaissons un instant le doa qu'adresse l'esclave au Seigneur, imaginez quelqu'un qui a un problème avec son président, ou avec une quelconque personne qui a une position importante dans l'État. Mais cet homme-là, il y a entre lui et ce grand homme, ou cette personne à la position importante, un problème. Un beau jour, il lui a manqué de respect. Que doit-il faire avant d'aller lui exposer sa demande? Que doit-il faire avant tout? Il doit aller régler le problème qu'il y a entre eux. Il va le voir et avant tout, il lui dit « Oh un tel, moi, un jour, je t'ai manqué de respect, et j'ai fait ceci, et j'ai dit cela. En réalité, j'ai fauté, et je le regrette, et je suis venu, aujourd'hui, présenter mes excuses. J'espère que tu me pardonneras, et j'aimerais que tu ne m'en gardes pas une quelconque rancune, que tu ne m'en tiennes pas rigueur. En réalité, à l'origine, il s'est passé ceci et cela. Il lui dit les paroles qui font que les sentiments de la personne importante à qui il s'adresse reviennent à leur état normal. Il revient plus tard. Le jour même, il ne lui expose pas son problème. Il revient quelques jours plus tard, quand leur relation se sera assainie, que l'ambiance se sera assainie. Il frappe alors à sa porte et lui dit « S'il te plaît, j'ai besoin de toi pour ceci et cela, n'est-ce pas ?» Et ça, c'est l'habitude de la créature avec la créature. Que dirais-tu alors d'un humain qui a commis à l'égard d'Allah, péché sur péché, et qui a désobéi à Allah le Tout-Puissant ? Allah lui a ordonné et il lui a désobéi. Il ne s'est pas plié à l'ordre. Ce qu'Allah lui a interdit, il ne se l'est pas interdit. Il lui arrive alors un problème. Il dit « Je vais invoquer Allah pour qu'il me réponde, pour qu'il m'exauce. » Comment t'imagines-tu qu'Allah va t'exaucer ? Comment t'imagines-tu même que tes paroles puissent être appelées « doa » alors que tu n'as pas réglé ce qu'il y a entre toi et Allah ? Tu vas vers lui alors que ton être est lourd de tes péchés. Comment ? Tu devrais même avoir honte de te tenir ainsi entre ses mains. Petite note de traduction, « entre ses mains », ça veut dire, enfin pour simplifier, « devant lui », voire autour de la traduction numéro 1. Que dois-tu faire ? Tu dis avant tout « je me repentis, je dois me repentir ». De la même manière que la situation de l'homme vis-à-vis de l'homme, tu commences par te repentir vis-à-vis d'Allah. « Ô Seigneur, je me repens. Ô Seigneur, je reconnais mon péché. Ô Seigneur, je ne reviendrai plus à cet acte que j'ai commis. Accepte donc mon repentir. Ô toi, le plus miséricordieux des miséricordieux. » Je suis venu à toi repentant, ne me fais pas donc revenir de ta porte, bredouille. Le Créateur accepte le repentir. Il accepte le repentir de tous ses esclaves, mais à condition que son esclave soit sincère et qu'il soit résolu, décidé à ne pas recommencer. Il a accepté ton repentir. Maintenant que la relation s'est assainie et que le chemin entre toi et Allah s'est assaini, tu commences ton invocation, ton doa. Cela est donc la seconde condition. Si la première condition n'est pas remplie, ta demande ne s'appelle pas doa. De même, si la seconde condition n'est pas remplie, ta demande ne s'appelle pas non plus doa. Cela, nous devons bien le savoir. Les frères, nombreux sont ceux qui demandent à Allah, mais lorsque tu observes leur situation, tu te rappelles le proverbe arabe qui dit « Sahibul hajati ar'an, la yarumu illa qada'a ». Celui qui a besoin d'une chose est impulsif et ne désire que l'accomplissement de cette chose. Un proverbe arabe a la description précise, c'est-à-dire que l'homme dont l'âme, dont la personne s'est attachée à une chose, oublie dans cet état son manquement, oublie ses manques de respect et ne se rappelle que de son besoin. Du coup, il se met immédiatement à demander avec insistance. Et il vient demander à Allah, pureté et toute puissance à lui, en ayant oublié que la veille, il a désobéi à Allah. Que la veille, il a tenu tête à Allah par ses actes de désobéissance. Qu'il a injustement mangé les biens d'un tel, qu'il a pris les biens d'un tel autre, et ainsi de suite. Bon, pourquoi ne commences-tu pas par corriger ta situation ? Parce que celui qui a besoin d'une chose a une ru'una, une impulsivité. Le sens de ru'una, c'est l'empressement. Seul son besoin l'intéresse, le mène à agir. Mais ses manquements ne le mènent pas à l'action. Il ne voit toujours que son besoin. Ses désirs, il en bave. Et combien de gens m'ont rendu visite à diverses occasions ? Ils ont frappé à ma porte, de nuit, à des moments où on n'attend personne. Khair Inch'Allah, un bien Inch'Allah. Il me dit, s'il te plaît, parle-moi d'une forme de doa, d'invocation exaucée. Donne-moi une forme d'invocation qui sera exaucée. Ils m'ont dit qu'il y avait des invocations exaucées. Quel est le doa qui, si j'invoque Allah par lui, sera exaucé ? Et il sort le crayon et il sort le stylo pour écrire cette invocation. Je le regarde. Il est censé me demander avant cela comment me repentir auprès d'Allah afin qu'il réponde à mon invocation. Moi j'ai fait ceci et ceci et cela. Si je l'invoquais dans cette situation, dans cet état, répondrait-il ? Non, il ne me demande pas ça, car son souci, c'est son empressement qui lui a tout fait oublier, mis à part son problème. Je lui ai dit, pour quelle raison veux-tu invoquer Allah ? Et qu'il te réponde favorablement. Il m'a répondu, j'ai une boutique dans un certain endroit et je l'ai mise en vente il y a longtemps, mais elle ne se vend pas. Et moi, je veux la vendre. Quel chemin emprunter pour qu'Allah me réponde favorablement ? Et en parlant avec lui, en détaillant, en discutant, il en est ressorti que cet homme faisait preuve de manquement à l'égard d'Allah, qu'il ne s'acquittait pas des droits d'Allah, qu'il ne s'acquittait pas de l'aumône légale, la zakat. Mais comme je vous l'ai dit, « Sahibul hajati ar'an », celui qui a besoin d'une chose est impétueux, impulsif, « la yarumu illa qada'a » et ne désire que son accomplissement. L'empressement avec un autre homme peut être possible, mais l'empressement avec Allah est une erreur. Une erreur. Donc, il faut deux conditions pour que ta demande soit appelée doa, invocation. Dès lors, si elles ne sont pas remplies, c'est inutile. Et de là, les frères, nous comprenons l'aspect suivant. Il a été rapporté qu'il viendrait un temps où l'homme invoquerait pour sa propre personne et serait exaucé. et où l'homme invoquerait pour l'ensemble des musulmans sans être exaucé. Savez-vous pourquoi ? Peut-être la réponse est-elle devenue claire. Lorsque tu veux invoquer Allah pour ta propre personne, il est facile de remplir ces deux conditions. Tu orientes tes paroles, tes sentiments, par crainte et sincérité vers Allah le Tout-Puissant. La première condition est remplie. Tu as vu tes péchés, tu t'en es repenti et tu as demandé à Allah de te les pardonner. Et tu t'es décidé à ne plus recommencer. Et tu as aussi regroupé les tiens, c'est-à-dire ta famille, ta femme, tes enfants. Eux aussi, tu leur as ordonné de se repentir et ils l'ont fait. Tu leur as ordonné que leur cœur soit présent et ils ont alors rendu présent leurs sentiments et leurs cœurs se sont ouverts par l'invocation. À ce moment-là, il se peut que tu invoques. Les conditions de l'invocation du doua sont remplies. Imagine lorsque tu invoques Allah pour l'ensemble des gens. Je dis « Ô Seigneur, fais descendre la pluie sur nous. » Même si c'est juste pour nous ici, sous-entendu dans cette assemblée. « Ô Allah, fais descendre la pluie sur tes esclaves. » « Oh Allah, je te demande de lever cette difficulté qui touche tes esclaves. » Bon, mon frère, c'est comme si un ange me disait « Invoque pour toi-même. » Toi, lorsque tu veilles à remplir les conditions de l'invocation du doigt en ce qui concerne ta personne, la certitude de la réponse est assurée à ta personne. Mais ceux-là, au nom desquels tu invoques, ont-ils rempli les conditions du doigt? Se sont-ils soumis aux ordres d'Allah après leur rébellion? Se sont-ils repentis de leurs péchés? Vont-ils brisés et craintifs vers Allah le Tout-Puissant? Le divagant divague, le perdu se perd, le persistant dans ses péchés persiste, et celui qui fait ce qui entraîne la colère du Seigneur continue de le faire. Et toi tu dis, ô Seigneur donne-leur, ô Seigneur ceci, cela. Vous voyez? Mais alors quel est le chemin à emprunter? Le chemin à emprunter, c'est de leur parler à tous. Comme tu parlerais à ta famille, en disant, ô gens, je veux invoquer Allah pour vous. Assurez-vous donc de remplir les conditions de la réponse favorable afin qu'Allah m'exauce. Repentez-vous, ô gens. Corrigez ce qu'il y a entre vous et votre Seigneur, pureté et toute puissance à lui. Arrêtez ce train de vie luxueux, arrêtez ses péchés. Revenez à Allah, pureté et toute puissance à lui. Je dis, comme a dit notre maître Nuh. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. J'ai alors dit, demandez pardon à votre Seigneur, il est certes pardonneur. Il vous enverrait du ciel une pluie abondante, et il vous accorderait profusion de biens et d'enfants, et il vous assignerait des jardins, et il vous assignerait des fleuves. Et ici, nous revenons à notre propos de tout à l'heure. Pourquoi une telle prière de l'Istisqa, de demande de la pluie, par une sagesse du même genre, ne peut pas vraiment être appelée prière de la pluie? Et pourquoi ne peut-on pas espérer après elle une réponse? Pour cette raison que je vous ai évoquée, il se peut que nous, que ce nombre se conseille mutuellement, et qu'alors nous nous repentions. Il se peut que nos cœurs s'adoucissent et se réveillent pour craindre Allah. Tout cela est possible, car maintenant nous sommes cernés. Mais qu'en est-il des autres? Quelle est la solution? La solution est que le responsable des affaires des musulmans, ou qu'une personne qui le représente, fasse un appel général à tous les gens, par le biais des moyens d'information, visuel et audiovisuel de cette époque, en leur disant « Ô gens, repentez-vous, ô gens, repentez-vous et rendez les biens à ceux à qui ils reviennent de plein droit. Ô gens, jeûnez 3 jours, puis sortez à tel endroit. Vous tous, qui que vous soyez, le pécheur délaissant son péché, le buveur d'alcool délaissant sa boisson, qu'ils se repentent à Allah le Tout-Puissant, point, et qu'ils sortent avec des habits usés. Remarquez l'esclavage envers Allah. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortait pour cette prière avec des habits très très simples, afin qu'aucun aspect de splendeur ne se voit sur nous. Dès lors, nous invoquons, regarde alors, tu verras comment Allah répondra. Parce que les conditions du doigt de l'invocation ont été remplies pour chacun d'entre eux. Les frères, je me rappelle qu'à la fin des années 50, ou au début des années 60, les pluies s'étaient arrêtées. Bien sûr pas à ce point-là. Et en réalité, un appel fut adressé à l'ensemble des gens, appelant à sortir pour la prière de l'Estesra, de la demande de la pluie. Repentir, puis jeûne, puis sortie. Et je me souviens que l'appel stipulait que la sortie se ferait sur la dernière ligne des émigrés. Petite note de traduction, ça doit être un lieu, peut-être à Damas, ou un lieu géographique. Que la sortie se ferait sur la dernière ligne des émigrés, où il y avait un terrain vaste, sans les bâtiments qu'il y a aujourd'hui. Un terrain très très vaste. Et les gens marchèrent vers cet endroit qui avait été préparé. Et j'étais de ceux qui sont sortis. Et les savants de toute la ville sortirent. Et il y a parmi eux des chers qui depuis sont partis vers Allah, pureté et toute puissance à lui. Il y avait en eux de la bienfaisance, de la droiture. Oui, je me souviens qu'un groupe de jeunes par-ci par-là nous jetait au début des regards moqueurs. Mais à peine la prière commença-t-elle, à peine le prêcheur se mit-il à prêcher, et que les pleurs s'emparèrent des gens, que les gens retournèrent leurs vêtements, et que les savants se remplacèrent, les uns les autres pour invoquer. À peine cela eut-il lieu, que lorsque je regardais ces jeunes qui se moquaient, je voyais qu'ils étaient les premiers à pleurer, les premiers à implorer. Le courant les avait emportés. Une vision inoubliable. Je ne sais pas s'il y a parmi vous des gens qui étaient présents à ce moment-là. Ce jour-là passa, et la blancheur du deuxième jour passa, et à peine le soir tomba-t-il que des pluies tombèrent du ciel sans attendre, sans interruption. Damas fut le témoin de cela à ce moment-là. Mais si ces gens n'avaient pas fait cela, si une partie avait prié dans telle mosquée et qu'une autre avait prié dans telle autre mosquée, ce dont je vous ai parlé se serait appliqué. Viendra un temps où l'homme invoquera pour sa propre personne et sera exaucé, et où il invoquera pour l'ensemble des musulmans sans être exaucé. Et ce parce qu'il y a des conditions indispensables pour que la demande soit appelée dua, invocation. Moi, si je dis au grand responsable, s'il te plaît, pardonne à cet homme, alors que l'homme en question prend une position arrogante, orgueilleuse, sans vouloir reconnaître son manquement ou sa faute, serait-il raisonnable que ce grand responsable réponde favorablement à ma demande ? Pourquoi n'y répond-il pas favorablement ? Il te dit, toi, demande, qu'est-ce que tu veux ? De quoi est-ce que tu veux me parler ? Laisse les autres. Ceci est très logique, très raisonnable. Après cela, les deux conditions ont été remplies, et le doa, l'invocation dans le vrai sens du terme, a été faite. Ne t'attends pas à ce qu'Allah exauce ta demande à la lettre. Non, cela n'est pas l'affaire du Rahman, du Rahim, du miséricordieux, qui connaît le secret et ce qu'il y a de plus caché encore. Il te donne ce qui permet de réaliser ton but. Et pour réaliser ton but, il se peut qu'il ne réalise pas ce que tu demandes à la lettre, textuellement. C'est cela le sens d'Ibn Ata'illah, qu'Allah le Très-Haut lui accorde de sa miséricorde. C'est cela le sens que veut dire Ibn Ata'illah. La yakun ta'akhuru amad al-ata' ma'a al-ilhah fi ad-du'a mujiban li yasik fa huwa damina lak al-ijaba fi ma yartaruhu lak la fi ma tartaruhu li nafsik. Que ta longue attente avant le don malgré ton insistance dans l'invocation ne te mène pas au désespoir. En effet, il t'a garanti la réponse dans ce qu'il choisit pour toi et non pas dans ce que tu choisis pour toi-même. Ça, c'est la première chose. Wa fil waqti alladhi yurid la fil waqti alladhi turid. Et au moment qu'il veut lui, pas au moment que tu veux toi. Bon, pourquoi ? Moi j'ai demandé quelque chose de bien précis. Le Créateur, pureté et toute puissance à lui. Sait-il ce que tu veux dire, oui ou non ? Il le sait. Il sait que tu penses que dans cette chose que tu demandes, il y a un bien pour toi. Mais il sait qu'il n'y a pour toi dans cette chose que tu demandes que du mal. Dès lors, la miséricorde du Créateur, pureté et toute puissance à lui, implique-t-elle qu'il te donne ce que tu as demandé textuellement, à la lettre, ou plutôt qu'il te donne ce que tu voulais dire intérieurement par cette demande ? La miséricorde implique nécessairement qu'il te donne ce à quoi ton âme aspire. Oui, un enfant qui marche avec son père et qui voit un jouet, il demande alors à son père de lui acheter cet objet auquel ses yeux se sont attachés. Le père regarde et voit que cette chose n'est pas bonne pour l'enfant. Si l'enfant attrapait cet objet, ce dernier lui ferait mal. Cet objet ne lui serait d'aucune utilité, que ce soit comme nourriture ou comme jouet. Mais son œil l'a dupé. Que fait alors son père, étant donné qu'il sait ce que veut son fils ? Il lui dit « Laisse, je m'en occupe ». Et il continue sa route. Et il lui ramène un second objet qui permettra au fils de réaliser son but au lieu de cette première chose. Et il y a tant d'exemples et d'aspects autour de ce sujet. Le Créateur, pureté et toute puissance à lui, connaît le secret et ce qu'il y a de plus caché encore. Moi, j'ai demandé quelque chose à Allah, pureté et toute puissance à lui, qu'il me fasse don de cette maison, qu'il me l'accorde. Cette maison, je veux qu'elle soit mienne, que je puisse l'acheter ou la louer, etc. Mon âme s'est attachée à cette maison. Au bout d'un certain temps, je constate qu'Allah, pureté et toute puissance à lui, m'a fait un don. Mais il ne m'a pas fait don de cette maison, il m'a fait don d'une autre maison, proche de la première, à un autre endroit. Au début, je dis, Subhanallah, pourquoi Allah ne m'a-t-il pas donné ce que j'avais demandé ? Au bout d'un certain temps, je constate que la sagesse, toute la sagesse, et que la miséricorde, toute la miséricorde, se trouve dans cette décision qu'Allah a prise pour moi. Si j'avais habité dans cette maison, une catastrophe se serait produite, catastrophe dont je n'aurais su me débarrasser d'une manière ou d'une autre. Mais quand cela devient-il clair ? Après coup. Moi, je ne connais pas le caché. Je ne sais pas ce qui va se produire. Mais Allah est le meilleur connaisseur des choses cachées. Je vous avais dit une fois qu'il y avait parmi ceux qui assistaient à ces cours un jeune homme qui patientait dans l'indigence, qui patientait dans la pauvreté. Des occasions de travail venaient à lui, mais c'était des occasions non conformes à la législation d'Allah le Tout-Puissant. Il ne pratiquait alors pas ses causes, car Allah l'avait à ce moment-là établi dans l'abstraction. Et je vous ai déjà parlé de lui. On lui proposa une boutique dans une rue des plus célèbres, à Beyrouth. On lui proposa de partir tenir cette boutique et d'y faire un travail qui lui ferait gagner beaucoup d'argent. Et il invoquait toujours Allah, lui demandant la subsistance. Et il invoquait. Il invoquait toujours Allah, pureté et toute puissance à lui, lui demandant une issue vers une subsistance licite. En réalité, cet endroit, et moi je pense que son âme s'y était attachée, cet endroit, Allah, pureté et toute puissance à lui, ne le lui avait pas prescrit, ne le lui avait pas assigné. Et peut-être qu'une période passa durant laquelle il ressentit une certaine douleur, une certaine frustration, parce que le Créateur Tout-Puissant ne le lui avait pas prescrit, alors que la boutique lui avait été proposée. Au bout d'un certain temps, il devint clair à ses yeux que c'était par miséricorde d'Allah qu'il n'avait pas tenu cette boutique. S'il s'était trouvé dans cet endroit, il aurait perdu son argent et aussi sa vie. Le Créateur Tout-Puissant répond à ton invocation lorsque tu l'invoques de manière sincère, mais écoute, il ne répond pas toujours au texte de ton invocation, il te répond pour réaliser ton but. Et bon nombre de fois, ton but ne s'accorde pas avec ton invocation textuelle. Et moi, Wallahi les frères, dans les jours passés de mon existence, je me suis souvent attaché à des choses. Mon âme s'y est attachée et j'ai demandé à Allah jour et nuit de les réaliser pour moi. Mais elles ne se sont pas réalisées. Cependant, Allah me les a remplacées par des choses meilleures. Et moi, je dis maintenant, Alhamdulillah illadhi lam yuhaqqiqha li. Louange à Allah qui ne les a pas réalisées pour moi. Parce que je sais pertinemment que la miséricorde d'Allah résidait en fait dans ce qu'il m'avait destiné. Si je vous en donnais des exemples, le temps nous manquerait. Et je pense que tout homme bienfaisant qui demande constamment à Allah voit des exemples de ceux dont je vous parle maintenant. Cela vérifie la parole d'Allah le Tout-Puissant. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Et il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Et Allah sait, et vous ne savez point. Sois donc confiant dans le fait qu'Allah ne t'amènera que ce qui contient un bien et ne te protégera que de ce qui contient un mal, si tu as rempli les deux conditions du doigt. Premièrement, le fait de se sentir réduit, brisé, d'avoir le cœur présent. Et deuxièmement, le repentir avant tout et la sincérité du retour vers Allah, pureté et toute puissance à lui. Ça, c'est la seconde chose. L'autre chose qu'Ibn Ata'illah dit, c'est فَهُوَ ضَمِنَ لَكَ الْإِجَابَ فِي مَا يَخْتَارُهُ لَكَ لَا فِي مَا تَخْتَارُهُ لِنَفْسِكَ وَفِي الْوَقْتِ الَّذِي يُرِيدَ لَا فِي الْوَقْتِ الَّذِي تُرِيدَ. En effet, il t'a garanti la réponse dans ce qu'il choisit pour toi et non pas dans ce que tu choisis pour toi-même. Et au moment qu'il veut lui, pas au moment que tu veux toi. De même, il ne faut pas que l'impétuosité, l'impulsivité te conduise à l'empressement. Il a été rapporté dans un hadith authentique que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Inna Allah yastajibu lil abdi ma lam yaqul laqad da'utu falam yustajab li. Certes, Allah répond à l'esclave, au serviteur, c'est-à-dire quand ce dernier l'invoque, tant qu'il ne dit pas j'ai invoqué et on ne m'a pas répondu, c'est-à-dire tant qu'il ne témoigne pas de l'empressement. Il dit ça fait 10 jours que j'invoque et Allah ne m'a pas répondu, ou ça fait 2 semaines et il ne m'a pas répondu. Si tu tiens rigueur à Allah pour cela, si tu l'évalues, que tu dresses des comptes à ce sujet, Peut-être ne répondra-t-il pas à ton invocation. Pourquoi ? Premièrement, les frères, parce que l'invocation est un but en soi et n'est pas un moyen. Remarquez ce que je dis. C'est-à-dire que l'esclave invoque Allah constamment, il est comme ça. Et son doigt ne doit pas être un fait passager, éphémère. C'est-à-dire, un tel a ressenti un besoin, son besoin l'a conduit au doigt, à l'invocation. Son besoin est rempli, il délaisse le doigt, c'en est fini du doigt. Donc le doigt serait le moyen de parvenir à une fin. Non. Le dua est dans la vie de l'esclave une fin en soi. Ad-dua huwa al-ibad. Le dua est l'adoration, comme le dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et dans une autre version, ad-dua ou mukhul al-ibad. Le dua est le cerveau, la moelle de l'adoration. C'est-à-dire, le dua est l'essence de l'adoration. Donc moi, en tant qu'esclave, ma fonction est de toujours tendre mes mains vers Allah. Qu'il me réponde ou qu'il ne me réponde pas. Mon affaire est d'invoquer. C'est cela, la taxe de l'esclavage, qui réglemente ma personne, qui est imposée à ma personne. Et le Créateur Tout-Puissant, dans ce sens-là, a fait que l'homme soit, de la tête aux pieds, lié à des besoins divers. Qui que tu sois, tu ne peux pas dire « je n'ai pas besoin d'Allah ». Ton esclavage apparaît dans la multitude de tes besoins, que ce soit des besoins corporels, des besoins liés à ta maison, à ta famille, à tes enfants. L'esclave est toujours dans le besoin. Quand donc sent-on l'odeur de l'esclavage de l'esclave vis-à-vis d'Allah ? Quand cette odeur se répand-elle, cette odeur de ton esclavage vis-à-vis d'Allah ? Lorsque tu dis toujours « Ô Seigneur, j'ai besoin de toi. Ô Seigneur, j'ai besoin de ta protection. Ô Seigneur, j'ai besoin de ton attention. Ô Seigneur, je suis dans un certain état corporel dont je souffre. Guéris-moi, ô Seigneur. » Ô Seigneur, ma situation matérielle est fragile, inquiétante. Ô Seigneur, protège-moi. Ô Seigneur, ma famille, ô Seigneur, mes enfants. Ô Seigneur, il y a des gens qui me veulent du mal. Protège-moi contre eux, ô Seigneur. Ô Seigneur, renvoie pour moi les manigances des maniganceurs contre eux-mêmes. Bon, à chaque instant, tu as besoin de l'attention d'Allah. Et plus que cela, lorsque tu te rends compte de la majesté d'Allah, de sa grandeur, quand tu marches sur la terre, tu dis « Ô Seigneur, ne fais pas s'effondrer la terre sous mes pieds. » Quand tu regardes le ciel, tu dis « Ô Seigneur, ne fais pas que le ciel jette des pierres sur moi. » Quand tu regardes l'air autour de toi, tu dis « Ô Seigneur, fais en sorte que j'ai une bonne immunité qui me protège de ces microbes qui se baladent dans l'air. » À chaque instant, tu as besoin de l'attention d'Allah. A'udhu billahi min shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. Quoi ? Êtes-vous à l'abri que celui au ciel vous fasse engloutir par la terre ? Et voilà que celle-ci tremble ? Ou êtes-vous à l'abri que celui au ciel envoie contre vous un ouragan ? Puis, vous saurez alors comment est mon avertissement. Dès lors, lorsque tu te rends compte que tu nages dans un fleuve rempli des attentions d'Allah, que fais-tu à chaque instant ? Tu lèves les mains du besoin et de la brisure, les mains d'un être réduit vers Allah le Tout-Puissant. Donc ne dis pas « J'ai invoqué et j'ai invoqué trois, quatre fois. Mon frère, il ne m'a pas répondu. J'ai arrêté. » Cela est l'affaire de l'homme avec l'homme. Lorsque l'homme est touché de ce que fait son ami, il se met en colère et coupe les ponts avec lui. Mais toi, où vas-tu aller ? Si tu laisses ton Dieu, y a-t-il un deuxième Dieu chez qui tu pourras demander ou trouver quoi que ce soit ? Y a-t-il un autre Dieu ? Fafirru ila Allah, inni lakum minhu nadhirun mubin. Fuyez donc vers Allah, je suis pour vous de sa part un avertisseur manifeste. C'est ce que dit Allah, pureté et toute puissance à lui dans le Coran. Il faut que tu dises par la langue de ton état, petite note de traduction, j'ai laissé ça assez littéral, par la langue de ton état, ça veut dire en fait, pas vraiment par ta langue, mais aussi, enfin, c'est ton état qui parle pour toi en fait, c'est par les actes réellement. Il faut que tu dises par la langue de ton état, ô Seigneur, tu es mon Seigneur et je ne bougerai pas de ta porte. Que tu acceptes ou pas mon invocation, je reste debout devant ta porte. Si tu ne me réponds pas, je lèverai la main de l'indigence vers toi. Et si jamais tu te fâches contre moi, ô Seigneur, je n'ai autre que toi. Je continuerai à t'invoquer. C'est ce que dit l'esclave d'Allah, à Allah, pureté et toute puissance à lui. Mon père prononçait un doua au beau milieu de la nuit, après avoir fini de lire le Coran. Il lisait le Coran dans la semaine et achevait sa lecture dans la nuit du jeudi au vendredi. Il finissait le Coran au beau milieu de la nuit et il faisait des doua. Parmi ces doua, il y avait celui-ci. Ô Seigneur, que tu m'acceptes ou que tu ne m'acceptes pas, mon cœur n'est pas fait pour un autre que toi. Que tu m'acceptes ou que tu ne m'acceptes pas, je ne suis fait pour l'amour d'aucun autre que toi. Je ne veux personne d'autre. Je suis ton esclave et je reste à ta porte et sur ton palier. Ça, c'est le propos de tout esclave, le pécheur et le non-pécheur. Lorsque l'homme prend cette position, Allah, le Tout-Puissant, ne peut pas le décevoir. Mais Allah a une sagesse. Dans un hadith Qudsi, il est dit « Ana 'inda al-munkasirati qulubuhum min ajli. » Je suis auprès de ceux dont les cœurs sont brisés pour moi. Tu peux prier Allah 1, 2, 3 jours d'affilée sans que ton doua ne soit un doua mûr qui remplisse les conditions nécessaires. Lorsque tu fais ton doua en te sentant réduit, le cœur brisé, ton doua a un résultat. Tout au long de ton doua, le Créateur te répond. Pourquoi Allah le Très-Haut répond-il à l'invocation de l'opprimé, de celui qui subit une injustice ? Le hadith Qudsi dit « Fabi halaft la ansurannaka walau ba'dahin. » Je jure donc par moi-même, je te secourrai même si c'est au bout d'un certain temps. Allah parle à l'opprimé en fait. يَرْفَعُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ دُعَاءَ الْمَظْلُومِ عَلَى الْغَمَامِ. Allah, pureté et toute puissance à lui, élève le doua de l'opprimé au-dessus des nuages. Oui. Pourquoi ? Parce que l'opprimé, celui qui a subi une injustice, lorsqu'il invoque brisé. Les conditions du doua sont alors regroupées en lui. Un homme envers qui on a été injuste et qui est cerné, il n'a alors trouvé devant lui qu'une seule porte, la porte d'Allah. Il a désespéré d'un tel, de celui-ci, de celui-là. Tous ses espoirs ont disparu, sauf un seul espoir, son espoir en Allah le Tout-Puissant. Comment est alors son état ? Tu le vois se jeter sur le palier d'Allah, de toute sa personne, car il sait que c'en est fini pour lui. Tous ses espoirs se sont regroupés, se sont orientés vers un seul, sans second. C'est le Seigneur des mondes, pureté et toute-puissance à lui. Le sens du doua s'est réalisé. C'est pour cela qu'Allah dit « Je jure donc par moi-même, je te secourrai ». À qui s'adresse-t-il ? À l'opprimé. même si c'est au bout d'un certain temps. Les savants ont dit « même si la personne en question est mécréante ». Parce qu'un musulman n'a pas le droit d'opprimer, d'être injuste envers un mécréant. Et si cette injustice conduit le mécréant à invoquer Allah de cette manière, Allah, pureté et toute puissance à lui, ne manquera alors pas de répondre. Même si c'est au bout d'un certain temps. Il se peut que le don tarde, mais il ne faut pas que cela cause le désespoir. Qu'a dit le Créateur Tout-Puissant à notre maître Moïse, Moussa ? Ce dernier a invoqué Allah, comme rapporté dans la sourate Al-A'raf, les limbes, pour qu'Allah détruise la tyrannie de Pharaon. Il a invoqué Allah avec son frère Haroun. Ou plutôt, pardon, excusez-moi, c'est dans sourate Yunus, la sourate Yunus Jonas. Le Créateur Tout-Puissant leur a répondu en ces termes. لقد أجيبت دعوتكما non plutôt قد أجيبت دعوتكما فاستقيما votre invocation a été exaucée, imposez-vous donc la droiture. Il a dit a été exaucé au passé, mais quand cela s'est-il réalisé? Des années après cela, des années après leur invocation, alors qu'Allah le Tout-Puissant leur a dit votre invocation a été exaucée. قد أجيبت دعوتكما les frères, le Créateur Tout-Puissant aurait très bien pu donner à toute personne ayant un quelconque besoin ce dont elle a besoin, sans même qu'elle ne le demande. Il aurait très bien pu me donner l'argent qui m'aiderait et la santé qui me ferait vivre une bonne vie. Et il aurait pu me protéger du mal de tous les gens et m'établir dans un endroit sûr, dans une sécurité totale et absolue, dans une vie profuse, luxueuse. Mais dans cette situation, qu'est-ce qui me pousserait à tendre la paume de l'imploration vers Allah ? Rien du tout. C'est-à-dire si j'allais faire un doa, pourquoi le ferais-je puisque tout ce que je demande, tout ce que je voudrais est déjà réalisé? Et si je n'invoque pas Allah le Tout-Puissant, je deviens alors loin de la sphère de l'esclavage vis-à-vis d'Allah, pureté et toute puissance à lui. Et Allah le Tout-Puissant veut de l'esclave qu'il soit, comme nous l'avons dit hier, un esclave par comportement et par choix, comme il a été créé esclave par réalité et par contrainte. Walhamdulillahi Rabbil Alameen.